Question sociale. Ô détresse du faible, ô naufrage insondable. Un jour, j'ai vu passer un enfant formidable, une fille. Elle avait 5 ans. Elle marchait au hasard. Elle était dans l'âge du hocher, du bonbon, des baisers, et n'avait pas de joie. Elle avait l'air stupide et profond de la proie sous la griffe et d'Atlas que le monde étouffait, et semblait dire à Dieu, qu'est-ce que je t'ai fait? Dieu, non, elle ignorait ce mot. Le penseur creuse, l'enfant souffre. Elle était en haillons, pâle, affreuse, jolie, et destinée aux sinistres attraits. Elle allait au milieu de nous, passant distrait, toute petite avec un grand regard farouche. Le pli d'angoisse était aux deux coins de sa bouche. Tout son être exprimait rien, l'absence d'appui, la faim, la soif, l'horreur, l'ombre et l'immense ennui. Quoi, l'éternel malheur pèse sur l'éphémère.